passe par la rivière. Les larmes ont dû former l'eau. Nage, flâne, écoute, où ta peine peut te mener. Passe par la préfère, le long des larmes, accueille tes défaites. Oh, tu nages, tu flânes, surveille les feuilles mortes, célébreront les ténèbres. Célébreront les ténèbres. Ton retrait sans fortune, ton recul sans l'avoir tout calculé. L'abstrait te met dans la lune, et les chasseurs circulent. T'es descendu dans terrier. Les coups de feu retentissent, le cœur va vite, les peurs surgissent. Toi pour qui être seul te suffit. Tu t'auto-suffis. Lâcher prise. Tisane et thé te conscientise. Lecture et yoga te précise. Toi pour qui être seul te suffit. Passe par l'algarade, enlongeant les boîtes, les âmes trop légères. Passe par l'humeur maussade, prolonge ta démarche un peu solitaire. Des arbres, leurs zones d'ombre s'élèvent, on voit des menaces qui coulent dans la sève. Les feuilles vont sous terre, l'automne se déplace, c'est bientôt l'hiver. Comme la lumière s'harmonise, regarde tes pensées qui s'enlisent. Toi pour qui être seul te suffit, tu t'auto-suffis. Lâcher prise, tisane et thé te conscientise, lecture et yoga te précise. Toi pour qui être seul te suffit, tu t'auto-suffis. Lâcher prise, tisane et thé te conscientise, lecture et yoga te précise. Toi pour qui être seul te suffit.